Ézéchiel chapitre 24. Or, en la neuvième année, au dixième jour du dixième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, Fils d'homme, écris-toi le nom de ce jour, de ce propre jour, car en ce même jour le roi de Babylone s'est approché contre Jérusalem. Mets donc en avant une similitude à la maison rebelle, et leur dit, Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, mets la chaudière, et verse de l'eau dedans. Assemble ses pièces dans elle, toutes les bonnes pièces, la cuisse et l'épaule, et la remplis des meilleurs os. Prends la meilleure bête du troupeau, et fais brûler des os sous la chaudière, fais-la bouillir à gros bouillon, et que les os cuisent dans elle. Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, malheur à la ville sanguinaire, à la chaudière dans laquelle est son écume, et de laquelle l'écume n'est point sortie. Vide la pièce après pièce, et que le sort ne soit point jeté sur elle. Parce que son sang est au milieu d'elle, qu'elle l'a mis sur la pierre sèche, et qu'elle ne l'a point répandu sur la terre pour le couvrir de poussière. J'ai mis son sang sur une pierre sèche, afin qu'il ne soit point couvert, pour faire monter la fureur, et pour en prendre vengeance. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, malheur à la ville sanguinaire. J'en ferai aussi un grand tas de bois à brûler. Amasse beaucoup de bois, allume le feu, fais cuire la chair entièrement, et la fais consumer, et que les os soient brûlés. Puis mets sur les charbons ardents la chaudière toute vide, afin qu'elle s'échauffe, et que son airain se brûle, et que son ordure soit fondue au-dedans d'elle, et que son écume soit consumée. Elle m'a travaillé par des mensonges, et sa grosse écume n'est point sortie d'elle, son écume s'en ira au feu. Il y a de l'énormité en ta souillure, car je t'avais purifié, et tu n'as point été net, tu ne seras point encore nettoyé de ta souillure, jusqu'à ce que j'aie satisfait ma fureur sur toi. Moi l'Éternel, j'ai parlé, cela arrivera, et je le ferai, et je ne me retirerai point en arrière, je n'épargnerai point, et je ne serai point apaisé. On t'a jugé selon ton train, et selon tes actions, dit le Seigneur, l'Éternel. Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, Fils d'homme, voici, je vais t'ôter par une plaie ce que tes yeux voient avec le plus de plaisir, mais n'emmène point de deuil, et ne pleure point, ne fais point couler tes larmes. Garde-toi de gémir, et ne mène point le deuil qu'on a accoutumé de mener sur les morts, laisse ton bonnet sur ta tête, et mets tes souliers à tes pieds, et ne cache point la lèvre de dessus, et ne mange point le pain des autres. Je parlai donc au peuple le matin, et ma femme mourut le soir, et le lendemain matin je fis, comme il m'avait été commandé. Et le peuple me dit, ne nous déclareras-tu point ce que nous signifient ces choses-là que tu fais? Et je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée, en disant, dis à la maison d'Israël, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je m'en vais profaner mon sanctuaire, la magnificence de votre force, ce qui est le plus agréable à vos yeux, ce que vous voudriez qu'on épargnât sur toutes choses, et vos fils et vos filles que vous aurez laissés, tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait, vous ne couvrirez point vos lèvres, et vous ne mangerez point le pain des autres. Et vos bonnets seront sur vos têtes, et vos souliers à vos pieds, vous ne mènerez point de deuil, ni ne pleurerez, mais vous fondrez à cause de vos iniquités, et vous gémirez les uns avec les autres. Et Ézéchiel vous sera pour un signe, vous ferez selon toutes les choses qu'il a faites, et quand cela sera arrivé, vous connaîtrez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Et quant à toi, fils d'homme, au jour que je leur ôterai leur force, la joie de leur ornement, l'objet le plus agréable à leurs yeux, et l'objet de leur cœur, leurs fils et leurs filles. En ce même jour-là quelqu'un qui sera échappé, ne viendra-t-il pas vers toi pour te le raconter? En ce jour-là ta bouche sera ouverte envers celui qui sera échappé, et tu parleras, et ne seras plus muet, ainsi tu leur seras pour un signe, et ils sauront que je suis l'Éternel.